Ésaïe chapitre 24. Voici, l'Éternel s'en va rendre le pays vide, et l'épuisé, et il en renversera le dessus, et dispersera ses habitants. Et tel sera le sacrificateur que le peuple, tel le maître que son serviteur, telle la dame que sa servante, tel le vendeur que l'acheteur, tel celui qui prête que celui qui emprunte, tel le créancier que le débiteur. Le pays sera entièrement vidé, et entièrement pillé, car l'Éternel a prononcé cet arrêt. La terre mène deuil, elle est déchue, le pays habité est devenu languissant, il est déchu, les plus hauts peuples de la terre sont languissants. Le pays a été profané par ses habitants qui marchent sur lui, parce qu'ils ont transgressé les lois, ils ont changé les ordonnances, et ont enfreint l'alliance éternelle. C'est pourquoi l'exécration du serment a dévoré le pays, et ses habitants ont été mis en désolation. À cause de cela les habitants du pays sont brûlés, et peu de gens sont demeurés de reste. Le vin excellent a mené deuil, la vigne languit, tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. La joie des tambours a cessé, le bruit de ceux qui s'égaient, est fini, la joie de la harpe a cessé. On ne boira plus de vin avec des chansons, la cervoix sera amère à ceux qui la boivent. La ville défigurée a été ruinée, toute maison est fermée, tellement que personne n'y entre. La clameur est dans les places, à cause que le vin a manqué, toute la joie est tournée en obscurité, l'allégresse du pays s'en est allée. La désolation est demeurée dans la ville, et la porte est frappée d'une ruine éclatante. Car il arrivera au milieu de la terre, et parmi les peuples, comme quand on secoue l'olivier, et comme quand on grappille après avoir achevé de vendanger. Ceux-ci élèveront leur voix, ils se réjouiront avec chants de triomphe, et s'égayeront de deux vers la mer, à cause de la majesté de l'Éternel. C'est pourquoi glorifiez l'Éternel dans les vallées, le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. Nous avions entendu du bout de la terre des cantiques, qui portaient que le juste était plein de noblesse, mais j'ai dit, maigreur sur moi, maigreur sur moi. Malheur à moi, les perfides ont agi perfidement, et ils ont imité la mauvaise foi des perfides. La frayeur, la fosse et le lac sont sur toi, habitant du pays. Et il arrivera que celui qui s'enfuira à cause du bruit de la frayeur, tombera dans la fosse, et celui qui sera remonté hors de la fosse, sera attrapé au lac, car les bandes d'en haut sont ouvertes, et les fondements de la terre tremblent. La terre s'est entièrement froissée, la terre s'est entièrement écrasée, la terre s'est entièrement remuée de sa place. La terre chancellera entièrement comme un homme ivre, et sera transportée comme une loge, et son forfait s'appesantira sur elle, tellement qu'elle tombera, et ne se relèvera plus. Et il arrivera en ce jour-là, que l'Éternel visitera dans un lieu élevé l'armée superbe, et les rois de la terre, sur la terre. Et ils seront assemblés en troupes, comme des prisonniers dans une fosse, et ils seront enfermés dans une prison, et après plusieurs jours ils seront visités. La lune rougira, et le soleil sera honteux, quand l'Éternel des armées régnera en la montagne de Sion, et à Jérusalem, et ce ne sera que gloire en la présence de ses anciens.